Bon, t'as reconnu ou pas? Le style. Je mène une vie à rebondissement. Mon compte en banque il agrandit quand embrouille en moins de 10 secondes dans mon arrondissement. Je traîne dans le 11, tu veux que je continue le 11? Mais est-ce que t'achèteras mon disque? Non, je suis pas de ceux qui arrondissent l'angle, de ceux qui lâchent quand ils se plantent. Toujours froid, pas besoin qu'on se barre en Islande. Toujours les mêmes blessures, les mêmes pansements. Je vais me barrer, c'est sûr, y'a un billet sur Air France, je prends. Je bois du clan Campbell, je traîne en clan, je fais semblant. Tu m'intéresses, je te ken et je te laisse en plan. Eh, pourquoi tu te la racontes, ton merco, j'ai le même en blanc. Par derrière ça critique, par devant c'est du lèchement de gland. Toujours les mêmes ambiances, je pense à l'oseille même quand je pionce. Marseille qui se met dans le fion, ses rêves d'être champion. Eh, ils ont le même flow que ce rappeur des Hauts-de-Seine. Ta femme et ta sœur Marcel pour mon numéro de tel. De ma journée, c'est de faire des euros le thème. Putain, j'écoute tes sons, ça vaut quoi, un euro le texte? Et pour être honnête, pas si sûr, vu la moisissure. Tiens le trône, oui celui des toilettes, t'es assis dessus. À Paris quoi de neuf, pas de bluff en chantant. Quand je rentre en France, tire sur casse neuf, qu'on s'entende. C'est les mêmes trucs qu'on contemple, je suis pas seul. Sinon je t'aurais dit ramène quatre meufs, qu'on s'entende. Les flics au crâne d'œuf font semblant d'être dangereux. À Paris les règlements de compte sont sanglants. Ça part au quart de tour quand s'enclenche la première. Mes patons n'est partout comme rentre en plan. Pas de cœur à vendre, je suis toujours en retard, mais si tu me dois des dollars, je serai là un quart d'heure avant. Je viens péter mon comeback pour le coup, bouteille de Jack pour le goût, je vais payer par carte pour le groupe. Toujours pas de gang, j'ai pas le temps, toujours dehors même partant. Pluie, je suis froid comme les Balkans. Au fait, Hollande il se casse quand le succès est toujours absent. Quand nous parlons de lui, le rap, je suis pas dedans. C'est juste un passe-temps, je fais 3-4 sons. Quand le soir je m'ennuie, on traîne en équipe, donc nous partons de nuit. Tu bois du Jack, même si tu nous dis non, je peux pas, je conduis. Chérie, fais pas de plan. Shopping aux 4 temps, lâcher 1400 pour un sac genre Louis. Les questions se multiplient, 5h20 du mat jusqu'ici. Tout va bien, mais est-ce que je fais du bien du mal? Qui va juger ça? Pas le proc, chez moi pas de drogue, je suis pas mal propre. Même si parfois ma thune est sale, puni au fond de la salle par le prof. Je préfère qu'il croit que j'ai une case au moins, pas de proc. Morale gonflée à bloc, pas de prot. Et généralement, j'ai plus la dalle que 4 bergers allemands ou 4 trottes. Avec les pétasses, ça se frotte, mais tu vas finir par terre si tu fais pas le chiffre d'affaires. Gazprom, les gars stop, je vous écoute, c'est catastrophe. Je mets le rap français d'accord, juste en 3-4 strophes.